Petit portoricain. Salut, moi c'est Seb. Bien intégré quasiment new-yorkais. Ah, t'habites là-bas ? Dans mon building tout de verre et d'acier. Ça a l'air chouette. Je prends mon job, un rail de coquin café. Petite fille afghane. Enchantée, madame. De l'autre côté de la terre. Y'a quelqu'un qui a toussé, non ? Jamais entendu parler de Manhattan. Moi si. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes mais pourtant pulvérisés sur l'autel. Violence éternelle. C'est ma fin qui dit toujours debout. 1747. Non, c'est pas cette chanson. C'est explosé dans mes fenêtres. Mon ciel si bleu est devenu orage. Lorsque les bombes ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. So long adieu mon rêve américain. Moi plus jamais esclave des chiens. Ils t'imposaient l'islam des tyrans. Cela n'ont-ils jamais lu le Coran. Et du coup c'est maintenant qu'ils parlent de bananes et toujours debout. Mais non, c'est des chiens, c'est pas de cette chanson. Ah bon. Puis redevenu poussière. Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse aux pieds d'argile. Est-ce qu'il tient toujours debout? Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations. Prends toujours de nous de la chair à canon. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisé sur l'autel de la violence éternelle. Non, mais maintenant ça me revient. C'est celle où il fait ta-ta-ta.